بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 9 Shawwal de l'année 1444 de l'Hégire correspondant au 29 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons et on a commencé par les mérites des sahabiyat qu'Allah les agrée. On a parlé de Khadija radiallahu anha, une des meilleures femmes de cette communauté, si ce n'est pas la meilleure, selon un avis. Et on a parlé aussi de Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, la plus savante de toutes les femmes de cette communauté. La véridique, la femme pure, et la fille du véridique Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. La bien-aimée de notre messager, l'épouse, la bien-aimée et préférée de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été innocentée par Allah, par au-dessus sept cieux. Et dans ses mérites, on a vu quelques-uns, également dans ses mérites, un jour elle a dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, ô messager d'Allah, si tu t'arrêtes dans une prairie dans laquelle il y a des arbres et que tu trouves qu'il y a un arbre qui a été déjà consommé et d'autres non, et un autre non, c'est dans lequel que tu vas pâturer ton chameau, dans celui qui a été mangé ou celui qui n'a pas été mangé. Et elle a dit ça en voulant dire au prophète alayhi salatu wasalam qu'il l'a épousée en étant vierge. Il l'a épousée en étant vierge et le Nabi alayhi salatu wasalam n'a pas épousé une femme vierge à l'exception de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha radiallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et le mariage a été consommé après l'émigration vers Médine et elle avait 9 ans. Et le prophète alayhi salatu wassalam est décédé alors qu'elle avait 18 ans. Au sujet de ce point, brièvement, sans trop nous attarder, le fait que le Nabi alayhi salam a épousé Aïcha radiallahu anha en ayant 9 ans. Bien évidemment, le kuffar, ils n'ont pas de problème avec les rapports entre un homme et une femme, hors mariage, quel que soit l'âge de la fille, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Mais quand c'est dans le cadre du mariage que ça leur pose problème, quand c'est dans le cadre de la fornication qui plaît à Iblis et à ses soldats, il n'y a pas de souci. Et j'ai entendu que le kuffar, quand leur fille arrive à l'âge de 11 ans, pas tous, mais surtout dans les grandes villes, quand la fille elle arrive à 11 ans et qu'elle n'a pas été consommée encore, qu'elle préserve encore sa virginité, ils l'emmènent voir un psychologue parce qu'ils estiment que c'est une petite fille qui est anormale. Et ils sont heureux quand leur petite fille ait des rapports avec un de ses amis ou là, ses copains ou là, comment ils appellent ça. Lakin, quand ils viennent ici, ça leur pose un grand problème. Comment ça se fait que le prophète alayhi salam a consommé avec une fille de 9 ans? Ce qu'il faut savoir tout d'abord, nous, ce qu'on va dire, c'est pas pour leur faire plaisir ou pour qu'ils comprennent ou pour les convaincre, parce que ces gens-là, ils seront jamais convaincus. Car leur départ est mauvais. Ils ne partent pas en voulant comprendre. C'est quelqu'un comme ça qui va comprendre et que tu pourras convaincre. Amma, quelqu'un qui vient avec ces choses-là uniquement pour dénigrer et pour accuser, et il n'ouvre pas son esprit à la compréhension, celui-là, tu ne peux rien avec lui. Donc, en islam, quel est l'âge à partir duquel on peut marier une fille? Et eux, ils parlent que de la fille. Ça, c'est un point très important. Ils parlent de la fille, la femme, les droits de la femme. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les droits de l'homme? La même question en islam, regardez quand il y a l'impartialité et l'objectivité, la même question qui se pose pour la fille se pose pour le garçon en islam. Quel est l'âge à partir duquel on peut marier un garçon? Et quel est l'âge à partir duquel on peut marier une fille? En islam, il n'y a pas d'âge. Il y a des savants, comme dans le Madhhab al-Hanbali, ils citent un âge. Mais ça rentre dans la vie juste également, car même s'ils citent un âge, ils disent par exemple 9 ans pour la fille, 10 ans pour le garçon, là qu'ils, malgré ça, ils exigent la capacité d'assumer le mariage dans tous les sens du terme. C'est pour ça, on ne peut pas dire qu'à partir de 18 ans, une femme, c'est bon, elle peut se marier. À partir de 16 ans, elle peut se marier. 14 ans. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il peut y avoir des femmes qui ont 18 ans et qui ne sont pas encore prêtes pour le mariage. Elle n'est pas capable d'assumer un foyer. C'est pour ça, en islam, il n'y a pas un âge. C'est ça la vie juste. C'est ce qu'on regarde, c'est la capacité d'assumer le mariage. Que ce soit dans les relations intimes, car la fille, il faut voir à ce qu'elle est capable d'avoir des rapports et d'assumer cela, sans que ce soit, ni que ça représente un danger pour sa santé ou autre. Ça, c'est le premier point. Et aussi, est-ce qu'elle est capable de tomber enceinte? Et est-ce qu'elle est capable, après l'accouchement, de s'occuper de ses enfants, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte pour dire est-ce que la fille est capable ou pas. Et nous disons la même chose pour le garçon. Est-ce qu'il est capable ou pas? En islam, on ne parle pas que de la fille. On parle du garçon aussi. Tayyib. Un deuxième point qu'il faut savoir, c'est que les filles, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, elles devenaient mûres rapidement, car elles prenaient leurs responsabilités très tôt. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut trouver une jeune fille de 18 ans, je peux vous dire, elle n'est pas prête à se marier, elle n'est pas capable de se marier. Donc, à l'époque du prophète alayhi sallam, il y avait ce point. Et ce point, il est toujours constaté, encore aujourd'hui, dans les campagnes. Quand vous allez dans les pays de l'islam, dans les campagnes, vous trouvez que la fille de 10 ans, elle a toutes les formes d'une femme. En taille, en tout. Et vous trouvez qu'elle est capable de s'occuper d'un foyer comme il se doit, et qu'elle est même mûre dans sa façon de réfléchir, et ainsi de suite. C'est pour ça, dans ces questions-là, on revient à la capacité de la personne. Et le Nabi Aïssa salam, quand il a épousé Aïcha radiallahu anha, elle était capable. Et s'il y avait un problème, il serait rapporté à ce niveau-là. Donc le Nabi Aïssa salam est décédé en l'an 11 de l'Hégire et Aïcha radiallahu anha avait 18 ans quand il est décédé. Radiallahu anha wa ardaha. Quand Nabi Aïssa salam est décédé, elle avait 18 ans. Et elle, comme on a vu, Aïcha radiallahu anha, elle est décédée en l'an 57 de l'Hégire. En l'an 57. C'est-à-dire qu'elle a vécu après le Nabi alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un point très important. Et parmi les sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a épousé Aïcha radiallahu anha. Parmi les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui ce mariage. Il n'y a pas qu'une seule sagesse. Il y en a énormément. Mais ça, c'est parmi ces sagesses-là. Donc, elle est restée après le Nabi alayhi salam combien d'années? Elle est restée 46 ans. 46 plus 11, ça fait 5 ans, 57. Exactement. Donc, 46 ans. Elle a vécu après le Nabi alayhi salam 46 ans. Donc, c'est 46 ans de transmission de la science et de la sunna et de la tradition prophétique. Ça, c'est parmi les grandes sagesses de ce mariage. Il y a aussi la relation entre le prophète alayhi salam et Abu Bakr. Abu Bakr, il venait souvent chez le Nabi alayhi salam. À chaque fois, il vient, il demande la permission. Donc, ça, c'était une facilité. C'est pour ça que vous trouvez que les premières femmes avec lesquelles le prophète alayhi salam s'est marié, après la mort de sa première femme, Khadija radiallahu anha, c'était... Après Saouda, c'était un cas particulier, radiallahu anha. Son mari décédé, elle n'avait personne et elle était âgée. C'est pour ça, Saouda, quand elle est arrivée à un certain âge, radiallahu anha, un certain âge avancé, elle a eu peur que le prophète la divorce. Et elle a offert sa journée à Aïcha, radiallahu anha. Regardez comment une femme intelligente, elle raisonne, comment elle réfléchit, comment elle agit. Saouda radiallahu anha, ce qu'elle veut, elle est arrivée à un âge avancé. Et elle sait que le Nabi alayhi salam, Allah lui a donné la force sexuelle de 30 hommes. C'est ça qui est rapporté authentiquement. Il est rapporté également 40 hommes, mais il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission. Mais ça par contre, c'est rapporté authentiquement. Et elle sait que le Nabi alayhi salam avait des grands besoins. Alayhi salatu wassalam. Elle a eu peur qu'il la divorce. Donc elle, son objectif, c'est de rester avec le Nabi alayhi salatu wassalam. De rester parmi ses épouses. Afin qu'elle soit son épouse dans le paradis. C'est pour ça, elle a regardé l'épouse qu'il aimait le plus. Et elle lui a offert sa journée. Afin, je dis sa journée. Elle lui a offert sa nuit. Là, le partage, c'est dans les nuits. Elle lui a offert sa nuit et ainsi, elle s'est rapprochée davantage du cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ainsi, elle est restée son épouse jusqu'à sa mort, radiyallahu anha. C'est pour ça, yani, dans ces questions, et ça aide énormément dans les couples, c'est pas de réfléchir moi, ma personnalité, ma personne, mon droit, c'est de réfléchir intelligemment à cette dunya, est-ce que ça vaut, et l'au-delà, est-ce que ça vaut, et qu'est-ce que tu préfères, perdre quelques avantages dans dunya et gagner énormément dans l'akhira, qui est éternel et dunya éphémère, ou l'inverse. Après, c'est chacun comment Allah il lui facilite. Là, l'homme intelligent, il agit comme a agi la mère des croyants, Saouda bint Zam'a, radiallahu anha wa ardaha. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit, donc elle a rapporté la même chose, le prophète alayhi salam l'a épousé en ayant 6 ans, et quand ils sont arrivés à Médine, elle a dit, quand on est arrivé à Médine, on s'est installé dans les Bani Harith de la tribu de Khazraj à Médine, elle et sa famille. Et elle est tombée malade. Et à cause de cette maladie, ses cheveux, elle a perdu des cheveux. Un jour, sa mère est venue, c'est Aïcha qui raconte. Elle l'a trouvée en train de jouer avec des jeunes filles. Sa mère, elle s'appelle Umm Ruman, l'épouse de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Elle l'a trouvée en train de jouer avec certaines de ses amies. Elle l'a appelée, elle est venue, et elle l'a pris avec elle. Aïcha, elle dit, je ne sais pas où est-ce qu'elle m'emmenait. Et elle l'a fait rentrer à la maison, et Aïcha était essoufflée quand elle est arrivée. Ça veut dire qu'elles sont parties vite. Et quand elle s'est reposée un petit peu, sa mère l'a pris et elle l'a préparé, elle l'a lavé, lui a lavé le visage, la tête, les cheveux. Et ensuite, des femmes parmi l'Ansar sont venues. Et ils ont dit, avec que ça se fasse avec la bénédiction et avec tout le bien. Et sa mère l'a donné à ces femmes parmi l'Ansar, qui l'ont préparé davantage, et ils lui ont préparé les cheveux, tout ça. Et dans la matinée, le prophète salam est venu chez eux. Et elle est partie avec lui, et elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Toujours Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quand il sortait pour un voyage, il faisait un tirage au sort entre ses épouses. Et un jour, c'était les deux qui sont sortis étaient Aïcha et Hafsa. Et vous savez que Aïcha et Hafsa, elles formaient un seul clan. Il y en a, les épouses du prophète A.S. étaient partagées. Regardez, quand vous entendez ça, et ça s'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Ça vous permet de... ça permet à l'homme comme à la femme de patienter davantage sur son couple et de ne pas se précipiter à chercher le divorce ou la séparation. Dans les épouses du prophète, il y avait deux clans. Un clan à la tête duquel il y avait Aïcha radiallahu anha. Et un autre clan dans lequel, à la tête duquel il y avait Umm Salama radiallahu anha. Et avec Aïcha, il y avait Hafsa dans le même clan. Et aussi Safiya. Malgré que Safiya, Nabi alayhi salam l'a épousée plus tard. Afwan, Safiya, non, mon esprit est parti avec Safiya bint Huyay. Je pensais que j'ai dit Hafsa. Donc il y avait Aïcha et Hafsa et Safiya. Safiya, on va la voir inshallah après, bint Huyay ibn Akhtab, le juif. Et la quatrième était Saouda. Et les autres épouses du prophète étaient dans l'autre clan à la tête duquel il y avait Umm Salama radiallahu anha. Et il y avait aussi Zainab bint Jahsh. Donc c'est pour ça, Aïcha dit, quand ils ont fait le tirage au sort, son nom et le nom de Hafsa est sorti. Et elle est contente de cela, qu'elle soit accompagnée par une de ses alliées. Et le prophète, alayhi, il avait une habitude quand il était en voyage, quand il voyageait de nuit, il marchait à côté de Aïcha et il parlait avec elle. Il parlait avec elle. Et Hafsa, pourtant, elle est avec Aïcha dans le même clan. Lakin, regardez ce qui s'est passé là. Hafsa radiallahu anha dit à Aïcha, tu veux bien prendre mon chameau et moi je vais monter sur le tien. Car le chameau était couvert. Quand il y avait les épouses du prophète sallam ou les femmes d'une manière générale, on couvrait le chameau, on mettait sur le chameau ce qu'on appelle un haoudaj. Elle est comme une petite pièce couverte et la femme, elle rentre dedans, il lui laisse de quoi respirer tout ça, lakin, afin qu'on ne la voit pas, afin qu'on la protège. La femme en islam, c'est une perle rare, protégée. Donc elle lui a demandé d'échanger. Elle lui a dit, pour que tu testes le mien, et moi je teste le tien. Elle lui dit, d'accord. Et Aïcha est montée sur le chameau de Hafsa, et Hafsa est montée sur le chameau de Aïcha. Et quand le Nabi Aïssa est venu, comme d'habitude, il est venu à côté du chameau de Aïcha. Et il y avait Hafsa. Et il a continué à marcher à côté d'elle, et à discuter avec elle sur son voyage de nuit. Et quand ils se sont arrêtés, pour se reposer du voyage, Aïcha radiallahu anha a été prise par une jalousie. Et elle a commencé à mettre son pied dans une plante, un arbuste qui s'appelle Idhir. Elle mettait son pied et elle disait que je sois mordu par un scorpion ou par un serpent. Le prophète alayhi salam est pas loin de moi et je ne peux pas discuter avec lui. Yani, c'est Hafsa radiallahu anha qui a bénéficié de cela. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Selon Aïcha toujours radiallahu anha, il y a eu, yani, à le point, on l'a déjà vu. Yani, quand des épouses du prophète se sont plaignées du fait que les gens, ils attendent que le prophète soit dans le tour de Aïcha pour lui envoyer des cadeaux. Et donc les cadeaux, ils venaient chez elle. Et ça, car les gens, ils savaient que le Nabi aimait Aïcha, et pour lui faire plaisir plus, ils envoyaient leurs cadeaux dans le jour de Aïcha, beaucoup plus que dans les autres jours. Et les épouses du prophète se sont plaignées de ça. Et ils ont choisi, au début, ça c'était le parti de, ou le clan de Umm Salama radiallahu anha. Ils ont choisi Umm Salama parmi les femmes savantes, grandes savantes, et très intelligentes, très sages. Ils l'ont choisi pour défendre leur cause. Elle est partie voir le Nabi alayhi salam, elle lui a exposé la situation. Le Nabi alayhi salam lui a dit, ne me faites pas du mal par rapport à ça. C'est-à-dire, ne faites pas du mal à Aïcha, car si vous lui faites du mal ainsi, vous allez me faire du mal à moi. Et de toute façon, cette affaire, ce n'est pas moi qui la contrôle. Les gens, ils envoient leurs cadeaux quand ils veulent. Après le Nabi alayhi salam, il donne à ses épouses tout ça, lakin, ça, ce n'est pas quelque chose qui est dépendant de lui. L'adl entre les épouses, c'est dans les choses que le mari possède. Dans les nuits, dans les dépenses, dans les achats, les cadeaux, les choses comme ça. Amma, le cœur, l'homme, il ne le contrôle pas. Et aussi, ce qui vient de l'extérieur comme cadeau, c'est pas lui qui contrôle ça. Donc, il leur a demandé de laisser les choses telles qu'elles sont. Il y a une sœur hier qui a parlé d'un point qui concerne Hafsa et Maria. Hier, là, j'étais pressé. On a arrêté exactement avec l'adhan de l'Maghrib. Lakin, si elle peut reformuler sa question, Lana déjà, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Si elle peut la reformuler et détailler un petit peu plus afin que je comprenne Barakallahu fiyak. Comment le prophète alayhi salam il gérait les deux clans avec la diplomatie qu'on est en train de voir. Il ne va pas donner raison à Yani Hachi, c'était pas vraiment visible, lakin il y avait des épouses qui avaient plus d'affinité entre elles et d'autres avaient plus d'affinité entre elles. Et la jalousie, c'était surtout, par exemple, Aisha radiallahu anha, comme on va voir quand on parlera de Zainab bint Jahsh, c'est la femme qui lui provoquait le plus de jalousie. Et Zainab, elle est dans l'autre camp. Malgré que Zainab, elle était beaucoup plus âgée qu'elle. Aïcha, elle était très avantagée. Lakin, malgré ça, elle avait beaucoup de jalousie par rapport à Zainab. Lakin, c'est pas une jalousie. Ça, c'est la jalousie que les savants tolèrent, qui n'arrive pas à l'injustice. Non. C'est une jalousie qui est dans la nature de la femme quand elle voit que son mari, il aime l'autre femme, car le Nabi alayhi salam aimait énormément Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh, radiallahu anha, c'est la fille de sa tante paternelle, Umayma, radiallahu anha. Et il l'aimait énormément, et elle a plusieurs mérites et plusieurs qualités, ce qui provoquait la jalousie de Aïcha, radiallahu anha. Également, Umm Salama, malgré que Umm Salama, elle était encore plus âgée. Zainab radiallahu anha, de tête, wallahu alam, elle est née plus de 30 ans avant le hijra. Ça veut dire, le Nabi Hassan, quand il est décédé, elle devait avoir 45 ans ou quelque chose comme ça. Alors que Aïcha, elle n'avait que 18 ans. Umm Salama, elle était encore plus âgée. Mais la plus âgée de toutes les épouses du prophète alayhi salam, c'est Saouda radiallahu anha. Donc, le Nabi alayhi salam, il tolérait les choses. Là, ça fait partie de la nature de la femme. Du moment que ça n'arrive pas à des injustices, à des péchés. Et quand il y a une erreur, comme le jour où Aïcha a cassé le plat qui a été envoyé par Umm Salama, l'autre clan. Quand elle l'a cassé, Nabi alayhi salam lui a rien dit. Il lui a pas dit pourquoi t'as fait ça. Il a dit votre mère a été touchée par la jalousie et il lui a demandé de lui remplacer son plat. Donne-lui le tien. Tu l'as cassé, tu lui donnes le tien. Et tu resteras sans plat. Là, en général, il y avait un seul plat dans le foyer. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une vingtaine d'assiettes. Donc, elle va rester sans plat jusqu'à ce que Allah lui accorde un autre. Comme ça, elle paye cette petite gaffe. Et le Nabi alayhi salam, il tolère ça. Là, ça fait partie de la nature des femmes. Du moment que ça n'arrive pas à des injustices. Donc, elles ont chargé Umm Salama, ça n'a pas marché, comme je vous ai dit. Ensuite, ils ont su la place qu'occupait Fatima pour le prophète alayhi salam et qu'elle avait pour le prophète alayhi salam, donc ils l'ont missionné pour parler au prophète alayhi salam de ce problème qu'elles avaient avec la réception des cadeaux. Et Fatima radiallahu anha a accepté. Elle est partie voir le Nabi alayhi salam. Il lui a dit, est-ce que t'aimes ce que j'aime? Elle lui a dit oui. Il lui a dit, alors aime Aïcha et oublie Had le problème. Ils ont voulu l'envoyer une deuxième fois, mais elle a refusé. Elle a dit, voilà, j'ai parlé avec le Nabi alayhi salam. Il a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Le Nabi alayhi salam lui a dit, oh ma fille, est-ce que t'aimes ce que j'aime? Elle lui a dit, si, au messager d'Allah. Il lui a dit, aime celle-là, en parlant de Aïcha. Aïcha al-Humaira. Son surnom, c'est al-Humaira. Et sa kunya, c'est Umm Abdillah. Le Nabi alayhi salam l'a surnommé Umm Abdillah, alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Radiallahu anha. Et al-Humaira, Et alors, je vous laisse deux minutes pour me dire qu'est-ce que ça veut dire le Humaira. Aïcha radiallahu anha a dit Kuntu ashrabu wa ana ha'id. Elle a dit je buvais dans le verre ou là dans le bol en ayant mes menstrues. Et ensuite, je le passais au prophète alayhi salam sallam, et il buvait au même endroit où moi j'ai bu. Et je prenais l'os sur lequel il restait encore un tout petit peu de viande, et je le suçais et je le donnais au prophète alayhi salam sallam. Il faisait de même. Au même endroit où moi je mangeais. Et ça démontre que le Nabi Sallam l'aimait énormément. Et ça, c'est des choses qui doivent être pratiquées entre les époux. C'est des choses recommandées car ça augmente l'amour entre eux. Il boit, il laisse un peu, il donne à son épouse, elle boit, elle lui donne un peu, et ainsi de suite. Il faut savoir que dans le couple, on est dans un combat permanent contre Shaitan. Shaitan, son objectif, c'est la division et la séparation. Et ce que Allah veut de nous, d'une manière générale, dans la majorité des couples, c'est la continuité du mariage. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, afin de ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Aussi, Aïcha radiallahu anha, elle dit que sa mère a voulu, j'ai rien reçu encore comme réponse sur ce que ça veut dire le Humaira. S'il y a des gens qui suivent avec nous sur Mixeller, s'ils peuvent écrire ce que ça veut dire. Le Humaira, c'est tiré de la couleur rouge. Mais pourquoi les Arabes, ils appellent une personne Humaira? Donc Aïcha radiallahu anha a dit que sa mère voulait qu'elle prenne du poids, qu'elle grossisse un peu. Elle voulait qu'elle grossisse un peu, qu'elle prenne du poids pour la préparer à son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Deux réponses encore. Masha'Allah. Excellent. Très blanche de peau. Naam. C'est ça la réponse. Al-Humaira, au lieu de dire Al-Bayda, normalement ils doivent dire Al-Bayda. La blanche de peau. Très blanche de peau. Aïcha était très blanche de peau. Radiallahu anha. Là, que les Arabes, ils n'aiment pas dire blanche. Car la blancheur, ça renvoie vers la lèpre. Al-Baras. Pour ça, il disait le Humaira. Et ça, c'est courant dans le discours des Arabes. Ils ont beaucoup d'exemples semblables à celui-là. Au Maroc, on appelle le feu, on l'appelle Al-Afiya. Alors que le feu, il est brûlant, il n'est pas Al-Afiya, il est tout l'inverse de Al-Afiya. Ils appellent une chose par son opposé, car ils détestent le sens direct. Ils appellent le désert extrêmement vaste Al-Mafaza. Mafaza, yani, t'es sauvé. Alors que quand t'es dans un désert extrêmement vaste, en général, tu péris. C'est pas tu seras sauvé. Ils appellent le non-voyant Al-Basir. Ils n'aiment pas le dire Al-A'ma. Ils l'appellent Al-Basir. Et ainsi de suite. Ça a beaucoup d'exemples. Chez les Arabes. Barakallahu fik akhi pour cette bonne réponse. Allahumma barak. Donc sa mère, elle voulait qu'elle prenne de l'embonpoint et qu'elle grossisse un peu pour la préparer pour son mariage. Et elle lui a tout donné à manger et Aïcha n'a pas pris du poids. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à lui donner, et ça c'est une recette, pour les femmes qui veulent prendre du poids, recette naturelle, c'est jusqu'à ce qu'elle a commencé à lui donner à manger du concombre avec des dattes fraîches. Du concombre. Voilà qu'il le concombre, c'est pas. Je ne sais pas comment il l'appelle. En dialecte, on l'appelle fugus. C'est une catégorie de concombre qui est beaucoup plus lent que le concombre. Il est très lent et il est un peu sucré. On l'appelle al-fugus ou al-fugus en dialecte. Lakin, en français, peut-être ils appellent ça aussi le concombre. En tout cas, ça fait partie des familles des citrouilles. Quand elle a commencé à lui donner ce fakous avec ce qitha, le concombre sauvage, barakallahu fik. Quand elle a commencé à lui donner ce concombre sauvage avec des dattes fraîches, elle a pris du poids, mashallah, elle a grossi et elle était prête pour le mariage. Et vous constatez que les critères de beauté chez les Arabes et même chez le Kuffar avant ce siècle de la mode et de comment ils les appellent, Hadou qui font Ardat al-Azia, le siècle des mannequins, avant cela, le critère de beauté, c'était pas une femme comme le qalam, comme un bout de bois. Toute fine, maigre, presque malade. C'était une femme qui avait des formes. Et quand vous regardez dans les peintures, tout ça, même chez le kuffar, c'était ça les critères de beauté. Et ça, c'est les vrais critères de beauté. C'est pas une femme qui est extrêmement maigre. Il y en a une femme qui est extrêmement maigre. On ne parle pas d'une femme qui est obèse. Lakin, khayrul umuri awsatuha, le juste milieu. Je disais, une femme qui a un peu de poids, elle pourra tomber enceinte plus souvent et aussi, de tous les points de vue, en général, c'est ce qui est meilleur. Dans un autre hadith, quand Nabi Isa A.S., avant la consommation de son mariage avec Aïcha radiallahu anha, il était avec elle et il y avait avec eux Asma bint Yazid ibn Sakan. Asma bint Yazid ibn Sakan, c'est une femme dont la biographie est très intéressante. C'est une femme qui osait parler au prophète Aïcha A.S. et elle venait, c'est elle qui lui a dit parmi les femmes qui lui ont dit, au messager d'Allah, les hommes font salat al-jama'a, font le jihad, font tout ça, et nous qu'est-ce qu'on a? Elle défendait la cause des femmes, lakin dans la conformité à la religion, pas à la façon des féministes qui veulent sortir la femme de l'islam. Donc elle était avec le prophète alayhi salam, et même là ça va se voir, c'est une femme qui osait un peu, radiyallahu anha wa ardaha. Elle était avec le prophète A.S. et le prophète A.S. a bu dans un verre, il a donné à Aïcha pour boire. Et Aïcha, elle a baissé sa tête de la pudeur et de sa timidité, elle a baissé sa tête. Et elle n'a pas pris le verre. Jusqu'à ce que Asma, radiallahu anha, lui a dit de boire. Et Nabi Hassan lui a dit, bois et donne à ton ami de boire. Yani Asma, donne-lui à boire. Et effectivement, Aïcha finalement, elle a pris le verre, elle a bu, et elle a donné à Asma pour boire. Elle a dit, non, rends-le au prophète A.S. Et elle a dit, au messager d'Allah, bois, et moi je bois après toi. Et effectivement, Nabi Hassan l'a pris, il a bu, et il l'a bu, il l'a passé à Asma radiallahu anha, et elle a bu au même endroit. Elle a cherché l'endroit où le prophète alayhi salam a bu et elle a bu au même endroit où le prophète alayhi salatu wassalam a bu, en cherchant le baraka, la bénédiction. Et le baraka dans les corps, comme vous savez, ça c'est réservé, c'est spécifique au prophète. C'est réservé aux prophètes. Ceux qui ne sont pas des prophètes, ils ont une baraka, une bénédiction, mais c'est une bénédiction dans leurs actes. Une bénédiction dans la science qu'ils laissent après eux. C'est comme ça qu'on peut profiter de leur baraka. S'ils ont laissé des ouvrages, on les étudie. Et ainsi de suite. Ammal baraka dans le corps, ça c'est réservé aux prophètes d'Allah. Alayhim salat wa salam. Quand Nabi alayhi salat wa salam, on termine avec ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, quand Nabi alayhi salat wa salam a demandé en mariage à Aïcha, à son père Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit au prophète alayhi salam, t'es mon frère. Nabi alayhi salam lui a dit, je suis ton frère en Allah et dans la religion d'Allah et dans le suivi du livre d'Allah. Afwan, il lui a dit, je suis ton frère dans la religion d'Allah et dans le suivi du livre d'Allah, et elle est autorisée pour moi. Elle est autorisée pour moi. C'est-à-dire qu'il peut l'épouser, c'est pas son frère de sang, ni d'allaitement. C'est une fraternité dans la religion qui n'empêche pas le mariage. Ensuite, on va passer à une autre mère des croyants, qui est Saouda radiallahu anha. Saouda bintu Zam'a radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam a épousé Saouda et Zam'a dans la même année. Il l'a épousé, il les a épousés en l'année 12 de l'Hégire. En l'année 12, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 de l'Bi'tha. Et il a consommé le mariage avec Aïcha, comme on a vu, après la grande bataille de Badr. Après la grande bataille de Badr, qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan. C'est une bataille qui s'est déroulée pendant le mois de Ramadan. Et la consommation a été pendant le mois de Shawwal, en l'an 4 de l'Hégire. Afwan, j'ai dit en l'an 2 de l'Hégire. Après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr. Selon Urwa, il a dit, la mère des croyants, Khadija, est décédée avant 3 ans avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam vers Médine. Il est resté 2 ans à peu près, et ensuite il a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans. Elle avait 6 ans à Mecca, et il a consommé son mariage à Médine quand elle avait 9 ans. Quand elle avait 9 ans. Donc, Saouda radiallahu anha et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a épousés dans la même année, l'année 12 de l'Hégire. L'année 12, Afon. On a l'habitude de dire l'Hégire. L'année 12 de l'Bi'tha, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire une année à peu près avant l'émigration vers Mecca. Et 2 ans après la mort de Khadija. Il est resté pendant 2 ans à peu près célibataire. Et le mariage avec Aïcha, il n'a été commencé qu'en l'an 2 de l'Hégire, juste après la bataille de Badr. La bataille de Badr s'est déroulée pendant le mois de Ramadan. Le mois de Shawwal, le mariage a été consommé. Donc Aïcha, c'est parmi les épouses que le Nabi alayhi salam a épousées pendant le mois de Shawwal. C'est pour ça qu'il y a des savants qui voient que c'est une sunna de se marier pendant Shawwal. Wallahu a'lam, ce qui est juste, c'est pas une sunna de se marier pendant Shawwal, ni pendant un autre mois. tu te maries quand Allah te facilite. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait exprès de se marier pendant Shawwal. C'est ce que disent les autres savants. Et car il n'a pas épousé toutes ses femmes pendant Shawwal aussi. Un jour, comme dit Aïcha radiallahu anha, un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques qualités de Fatima radiallahu anha, sa fille. Et ensuite Aïcha est intervenue. Il a cité les mérites de Fatima comme si elle demandait « Et qu'est-ce que tu dis à mon sujet, au messager d'Allah ?» Elle ne l'a pas dit. Lakin, elle a laissé entendre cela. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ama tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira » Tu n'es pas satisfaite d'être mon épouse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Elle a dit oui au messager d'Allah. Il a dit « Alors t'es mon épouse dans ce bas monde et dans l'au-delà. » Un jour, Aïcha radiallahu anha a entendu des hommes de l'Abyssinie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, qui étaient dans la mosquée en train de faire des jeux. Et quand elle a vu ça, quand elle a entendu ça, le prophète alayhi salam, il lui a dit, est-ce que tu veux les voir? Est-ce que tu aimerais les voir? Elle a dit oui au messager d'Allah. Et le prophète alayhi salam s'est mis lui-même devant la porte de sa maison qui donne sur la mosquée et elle est venue ensuite et elle a posé sa tête sur l'épaule du prophète alayhi salam et elle regardait. Yani, comme s'il l'a couvert et on ne voyait d'elle que la tête. Et elle regardait. Radiallahu anha. Et elle a mis son visage contre le visage du prophète alayhi salam et sa tête sur son épaule. Et elle regardait. Et il dit, parmi ce qu'il disait, ces Éthiopiens ce jour-là, il disait Abul Qasim est tayyiba. Il disait Abul Qasim, qui est le prophète alayhi salam, est bon. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit, après un moment, il lui a dit ça te suffit? Aïcha radiallahu anha lui a dit laisse-moi un peu encore au messager d'Allah. Il l'a laissé. Ensuite, il lui a dit ça te suffit? Elle a dit, laisse-moi encore un peu au messager d'Allah. Il a laissé. Et elle a dit, alors que je n'avais aucune envie de les voir, mon envie était que les autres épouses du prophète alayhi salam voient comment ils me traitent et comment ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire. Et afin qu'ils réalisent mon statut auprès de lui. Radiallahu anha wa ardaha. Ça, c'est rapporté par l'imam Nasa'i dans le Kubra. Il a été authentifié par Cheikh. Et authentifié également par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari. Ensuite, on parlera de Hafsa radiallahu anha, la mère des croyants, Hafsa radiallahu anha. Hafsa, fille de Umar ibn al-Khattab. Hafsa, fille de Umar ibn al-Khattab, est la sœur de Abdullah ibn Umar, le grand compagnon. Avant le prophète, alayhi salam, elle était mariée avec un sahabi qui s'appelle Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi. Et Khunais, radiallahu anhu, a été touché dans la bataille de Uhud. Il n'est pas mort dans la bataille, mais il est mort plus tard. Et après sa mort, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a épousé. Il l'a épousé en l'an 3 de l'Hégire. Donc Hafsa, c'est la quatrième épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Après Khadija, Saouda, Aïcha, le prophète, alayhi salatu wassalam, a épousé Hafsa. les deux hommes qui étaient les plus proches du prophète, Abu Bakr et Omar. Et il y a aussi dans ce mariage beaucoup de sagesse. Donc il l'a épousé en l'an 3 de l'Hégire, il l'a épousé pendant le mois de Sha'ban. Et Hafsa, elle avait 6 ans de plus que son frère Abdullah ibn Omar. Elle est entrée en islam après l'islam de son père Omar ibn Khattab et elle avait 10 ans quand elle est entrée en islam avec son islam, avec l'islam de son père. Elle avait 10 ans. Elle est décédée, radiyallahu anha, en l'an 41 de l'Hégire. La plupart des épouses du prophète, alayhi sallam, se sont tenues à leur foyer après la mort du prophète, alayhi sallam, jusqu'à leur mort. À l'exception de ce qui est arrivé à notre mère, At-Tayyiba, At-Tahira, As-Siddiqa, Bintu As-Siddiq, Aisha, radiyallahu anha, pour le bien qu'elle avait vu en cela, quand elle est sortie pour la réconciliation entre le camp de Ali et le camp de Muawiya, qu'Allah les agrée tous. Et dans l'histoire de son mariage avec le prophète, alayhi sallam, quand son mari est décédé, son père regardait comment les pères agissent aussi. Tout ça, c'est des leçons pour nous. Ta fille, elle divorce, elle se sépare de son mari décède, cherche à la remarier le plus rapidement possible. C'est pour ça, directement après la mort de son mari, Khunais radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, l'a proposé à Uthman radiallahu anhu. Et Uthman, il venait de perdre son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il venait de perdre son épouse Ruqayya. Et Omar était touché par cela. Et c'est pour ça qu'il lui a proposé sa fille, Hafsa. Uthman lui a dit, pour le moment, je ne suis pas intéressé par le mariage. Je ne suis pas intéressé par le mariage. Après Uthman, il l'a proposé à Abu Bakr Siddiq. Il l'a proposé à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr Siddiq ne lui a rien dit. Il lui a dit, je te propose ma fille en mariage. Il lui a pas donné de réponse. C'est pour ça, Omar, il a pas voulu à Uthman. Mais il a voulu un peu à Abu Bakr Siddiq. Après, Omar était touché par cela, par ce comportement qu'il n'a pas compris de la part de Abu Bakr Siddiq. Il a été voir le Nabi alayhi sallam pour se plaindre de Abu Bakr radiallahu. Il lui a dit, voilà, j'ai présenté ma fille à Uthman, il m'a dit ça et ça. Et je l'ai présenté à Abu Bakr, il m'a rien dit. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, je vais t'indiquer un gendre qui est meilleur pour toi que Uthman. Et je vais indiquer à Uthman un gendre, un beau-fils, un gendre qui sera meilleur pour lui que Omar, que toi. Il lui a dit, et il a demandé sa fille en mariage. Effectivement, le Nabi alayhi sallam est un meilleur gendre que Uthman radiallahu anhu pour Omar. Et il a proposé à Uthman radiallahu anhu son autre fille, Umm Kulthum radiallahu anha. Et effectivement, le prophète alayhi sallam est un meilleur gendre pour Uthman. Yani, khatan, yani, en français, on dira beau-père, est un meilleur beau-père pour Uthman que Omar radiallahu anhu. Et il l'a épousé, alayhi salatu wassalam, ainsi. Et c'est après cela que Abu Bakr Siddiq est venu voir Omar. Il lui a dit, je ne t'ai pas donné de réponse, car j'ai entendu un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, citer ta fille. Yani, qu'il était intéressé par l'épouser. Et je ne pouvais pas dévoiler le secret du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si jamais il ne l'avait pas épousé, je l'aurais épousé. Comme je vous ai dit, Hafsa, elle était avec Aïcha, radiallahu anha, et Safiya et Saouda. Et dans l'autre clan, il y avait Ani à la tête, Umm Salama radiallahu anha, avec les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa radiallahu anha, elle était connue par sa grande jalousie vis-à-vis du prophète alayhi salatu wa sallam. Au point où ça a été rapporté que un Nabi alayhi salatu wa sallam avait interdit pour sa personne d'avoir des relations intimes avec sa servante Maria à cause de Hafsa et à cause de sa jalousie. Car un jour, elle est rentrée dans sa pièce, les femmes du prophète, elles avaient une pièce qui fait 2 par 3 mètres à peu près. Al-Hujurat, c'était ça. Et le toit, c'était avec des branches de palmiers. Minjarid Nakhl. Et un jour, elle est venue dans sa pièce et elle a trouvé le prophète avec sa servante Maria. Radiallahu anha. Et il a eu des relations avec elle. Et c'était le tour de Aïcha ce jour-là. Et Hafsa a été prise par la jalousie. Elle a dit au prophète que tu n'as pas fait que ça dans le tour d'une de tes épouses. Car il y a des savants qui voient que c'était le tour de Hafsa. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète aurait interdit d'avoir des rapports avec Hafsa, avec Maria, à partir de ce jour-là. Il a juré par Allah de ne plus la toucher. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset dans lequel il lui a ordonné de ne pas interdire ce que Allah lui a autorisé, de ne pas s'interdire ce que Allah lui a autorisé, et de sortir une expiation par rapport à cela. Et c'est ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est, il dit, il y en a qui voient que c'était ça la cause de la révélation de ce verset dans surat Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. D'autres y voient que la cause, c'était l'histoire du miel. Et ça, c'est entre Hafsa radiallahu anha et Aïcha et Zainab. Et Zainab radiallahu anha. Et Nabi alayhi salam, comme on a vu, il aimait Zainab. Et quand il venait chez elle, elle lui donnait du miel. Et Nabi alayhi salam, il aimait énormément le miel. Et un jour, Hafsa et Aïcha ont fait, yani ce qu'on peut appeler entre parenthèses, un petit complot. Ils ont dit, quand le Nabi alayhi salam il viendra, on lui dira, tu sens mauvais, qu'est-ce que tu as mangé? Le Nabi alayhi salam leur a dit, j'ai rien mangé, j'ai mangé que du miel que lui a donné Zainab radiallahu anha. Et il a dit, par Allah, je ne mangerai plus jamais du miel. Donc, il serait interdit le miel. Mais ce que l'imam al-Tabari, Sheikh al-Mufassirin, dit par rapport à ça, il dit peut-être que c'était Maria, peut-être que c'était le miel, mais ce qui est sûr, c'est que le Nabi alayhi salam s'est interdit une chose qu'Allah lui a autorisée, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de ne pas s'interdire quoi que ce soit parmi ce que Allah lui a autorisé, et de sortir une expiation. Donc, ça c'était juste pour mentionner cette jalousie qu'avait Hafsa radiallahu anha vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi alayhi salatu wa sallam avait l'intention de divorcer Hafsa radiallahu anha. Il avait l'intention de divorcer Hafsa une fois, il avait cette intention. Ou il l'a effectivement divorcée. Il l'a effectivement divorcée. Il y a des savants qui ont cet avis et d'autres qui ont le premier avis, mais le hadith dans lequel il l'a divorcée, il est authentique. Donc, il aurait divorcé, alayhi salatu wassalam. Ensuite, suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril, alayhi salam. Il lui a ordonné de reprendre Hafsa. Il lui a ordonné de reprendre Hafsa et il lui a dit, car elle est ton épouse dans le paradis. Et elle jeûne les jours et elle veille les nuits en salat. Yani, elle était beaucoup dans l'adoration. Radiyallahu anha wa ardaha. Et ça, c'est arrivé uniquement à Hafsa, radiyallahu anha wa ardaha. Qu'il ait divorcé ou qu'il ait eu l'intention de la divorcer. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les deux versions, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam afin qu'il la reprenne ou qu'il ne la divorce pas. Et il lui a cité la raison. Et ça, ça représente un grand mérite de Hafsa radiyallahu anha. C'est une épouse du prophète alayhi salam au paradis. Et il a cité ses qualités qu'elle avait, l'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on parlera d'une autre épouse du prophète alayhi salam qui vient après Hafsa, c'est Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaha. Zaynab, comme on a vu, c'est la fille de Umayma bint Abd al-Muttalib, la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam, la sœur de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Zaynab radiyallahu anha, avant que le prophète alayhi sallam ne l'épouse, elle était avant lui, elle était mariée à Ubaydullah ibn Zaynab. Avant de que le prophète alayhi sallam l'épouse, il avait demandé au mariage à Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Il avait demandé en mariage à Zayd ibn Haritha, qui était avant l'interdiction de l'adoption, il était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après c'est resté son allié Mawla. Et au début, Zaynab radiyallahu anha a refusé, car elle estimait qu'elle était yani, d'une noblesse supérieure à celle de Zayd radiyallahu anha wa ardaha. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet: wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Qui ne convient pas à un croyant ou une croyante quand Allah et son messager décrètent une chose qu'ils aient le choix après cela. Et elle a accepté. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait une sagesse dans cette révélation. Une sagesse que je vais citer, mais les sagesses d'Allah dans toute législation sont immenses. Lakin, parmi les sagesses, c'est d'annuler cette pratique anti-islamique qui était l'adoption. Car c'est une pratique dans laquelle les liens de parenté étaient perdus. Tu prends un enfant et ça devient ton fils ou ta fille, et après on ne sait plus qui est son vrai père, son père biologique, et il peut y avoir des problèmes suite à cela. Donc c'était, yani, parmi les sagesses, c'est l'interdiction de cette pratique de l'adoption. L'adoption. L'adoption dans le sens où tu vas t'attribuer l'enfant, ça va devenir ton fils et ta fille. S'occuper d'un orphelin et l'élever, le faire grandir, ça c'est quelque chose de très méritoire en islam. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Donc Zaynab radiyallahu anha a accepté le mariage avec Zayd. Et pendant leur mariage, ils avaient pas mal de conflits et de disputes. Et Nabi alayhi sallam toujours il ordonnait à Zayd la patience. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils se séparent et Zayd ensuite l'a divorcé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a ordonné à son prophète alayhi sallallahu alayhi sallam d'épouser Zaynab. Et même plus loin que ça, c'est Allah qui l'a marié à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelqu'un de sa famille qui l'a marié. C'est pas son tuteur. Celui qui s'est chargé de son mariage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et l'intermédiaire dans ce mariage était Jibril alayhi salam. Et elle est de sa famille. Et le prophète alayhi salam n'a pas une de ses épouses comme Zaynab, la fille de sa tante paternelle. Il n'a pas une autre épouse comme ça. C'est la seule comme ça. C'est pour ça qu'elle citait ces trois points quand elle se vantait devant les autres épouses. Elle leur disait, c'est vos familles qui vous ont mariés, moi c'est Allah qui m'a marié. L'intermédiaire entre vos familles, le prophète alayhi salam, c'était un homme, ou là une femme, moi c'est Jibril alayhi salam. Et aucune d'entre vous, ni la fille, ni de sa famille proche, comme moi. C'est pour ça qu'elle avait beaucoup de qualités, et c'est parmi les causes de ce qu'il pouvait y avoir comme jalousie entre elle et Aïcha et Hafsa. C'est pour ça qu'ils lui ont fait ce petit complot, et c'est quelque chose d'innocent. Là, on ne pense jamais du mal de Sahaba, radiallahu anhum, que dire des épouses du prophète, alayhi sallam. Là, c'est des choses qui sont dans la nature de la femme. Donc, ce petit complot du miel, et ça s'est terminé avec la révélation du verset dans lequel a été légiférée l'expiation. Zaynab, radiallahu anhum, est décédée pendant la gouvernance de Omar ibn al-Khattab à l'âge de 53 ans. Et à son sujet, comme rapporte notre mère Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi sallam a dit à ses épouses, celle qui va me rejoindre le plus rapidement après ma mort, c'est celle ayant le bras le plus long. Et les épouses du prophète, quand elles ont entendu cela, ça leur arrivait de prendre un bâton pour mesurer leurs bras afin de voir laquelle d'entre elles a le bras le plus long. Et après le prophète, la première qui est morte, c'est Zaynab bint Jahsh radiallahu anha, et c'est là où elles ont compris que le Nabi il ne visait pas la longueur du membre, mais il visait le sens métaphorique qui est la générosité. Elle a le bras long, yani elle donne beaucoup. Et Zaynab radiallahu anha était une femme extrêmement généreuse. Au point où on l'appelait Ummul Masakin, celle qui veille sur les pauvres et les nécessiteux, les gens dans le besoin, comme si c'était leur mère. Radiallahu anha. À son sujet, Aïcha radiallahu anha, elle-même, regardez, quand je vous dis la jalousie qui ne fait pas tomber dans des interdits ou dans des injustices. Écoutez ce que notre mère Aïcha dit au sujet de Zaynab. Et ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Elle dit, je n'ai jamais vu une femme comme Zaynab dans le bien, d'une manière absolue. Je n'ai jamais vu une femme comme Zaynab dans le bien, dans sa religion. Elle avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle disait toujours la vérité. Et elle maintenait ses liens de parenté. Et c'était celle qui faisait le plus de sadaqa, d'aumône. Et celle également qui faisait le plus d'efforts. Quand elle, la Zaynab, radiallahu anha, sa particularité, c'est qu'elle travailler avec ses propres mains pour préparer ce qu'elle va donner en sadaqa. Et quand elle prépare une chose pour la donner en sadaqa, elle fournissait des efforts considérables, comme dit Aïcha radiallahu anha. Tout ça en voulant se rapprocher d'Allah avec cette aumône dans laquelle elle s'épuisait dans sa préparation. Zainab radiallahu anha, elle tannait les peaux et elle les donnait fisabilillah. Et elle pouvait fabriquer aussi des colliers ou des bijoux, des choses comme ça. En plus de ce qu'elle préparait à manger. Elle savait faire tout ça. Radiallahu anha wa ardaha. Elle aimait faire la sadaqa, comme est rapporté dans les deux authentiques. Ali radiallahu anhu, Afwan, le Nabi alayhi salam, comme il rapporte Anas radiallahu anhu, quand la idda, la période de vituité de Zainab, s'était écoulée, le Nabi alayhi salam a demandé à Zayd d'aller la voir et de la demander en mariage pour le prophète alayhi salam et de l'informer de cela. Et Zayd, quand il est parti la voir, il a dit: je l'ai tellement respecté quand j'ai pensé que le Nabi alayhi salam la voulait en mariage. Yani, il l'a traité comme si c'était déjà une épouse du prophète alayhi salam. Il a dit: je ne l'ai pas regardé et j'ai tourné mon dos et je lui parlais ainsi. Il lui a donné son dos, il lui a donné son dos et il lui a parlé ainsi. Quand il lui a dit cela, elle a dit: je ne vais rien faire jusqu'à consulter mon Seigneur. Et ça, c'est une sunna, surtout dans les affaires importantes et dans toute chose, de faire salat l'istikhara. Et elle est partie dans sa mosquée. Ce qui est voulu par la mosquée ici, c'est pas la mosquée yani, de l'jama'a, mais c'est l'endroit dans lequel elle faisait as-salat chez elle. Et ça, c'est une bonne chose. Les sahabiyats, elles avaient un endroit réservé à la salat dans leur foyer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans nos foyers, dans nos maisons, un endroit qu'on réserve pour la salat, pour les salats qui sont légiférés à la maison, rawatib, qiyam al-layl, et ainsi de suite. Donc elle est partie, elle a fait salat. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets du Coran. Et le Nabi alayhi salam est venu la voir directement chez elle, et il a ordonner à ce qu'on prépare le festin ou le repas du mariage, et les gens ont mangé. Là, il est 1h13. Donc, on va s'arrêter ici. Et dans l'autre cours, Inch'Allah, on va commencer avec la mère des croyants, Safiya, radiyallahu anha. On commencera avec Safiya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.